Julie a la corde au cou et le chapeau qui tient debout. Julie a la corde au cou et le chapeau qui tient debout. Julie a la corde au cou et Julie elle attire beaucoup. Julie m'a tiré ma barre dans le grand jardin d'en bas. Julie, elle attire beaucoup. Julie, elle m'attirait du coup. Et Julie a la corde au cou. Et Julie, elle attire beaucoup. Julie, elle n'a peur de rien. Elle tient toutes ses balles dans sa main. C'est pas que Julie me fait peur, mais c'est moi le chanteur et elle Joe Strummer. Julie m'a tiré là-bas dans le grand jardin d'en bas. Mais c'est moi le chanteur et elle Joe Strummer. Mais c'est moi le chanteur et elle Joe Strummer. Ouais, c'est moi le chanteur et elle Joe Strummer. Chanteur.